Il y a quelques temps, j'avais un problème un peu similaire. Je me suis fait opérer de l'épaule et je ne pouvais plus jouer de guitare du tout. Je ne pouvais plus ouvrir le bras. Un clavier, si t'as pas de main gauche, t'as un peu mal, ouais. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.